بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par celles envoyées en rafale et qui soufflent en tempête, qui dispersent largement, qui séparent nettement et qui lancent un rappel à titre d'excuse et d'avertissement. Ce qui vous est promis surviendra à coup sûr. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Alors quand les étoiles s'éteindront et que le ciel sera fondu, que les montagnes seront pulvérisées et que les messagers seront rassemblés pour comparaître au moment prévu. Pour quel jour cela a-t-il été prévu? Pour le jour de la décision. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. Alam nuhlikil awwalin ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. N'avons-nous pas détruit les premières générations? Puis ne les avons-nous pas fait suivre par d'autres générations? Ainsi traitons-nous les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ne vous a-t-on pas créé d'un vil liquide que nous avons placé dans un réceptacle sûr pour une durée déterminée? Ainsi l'avons-nous décrété et nous décrétons tout de la plus parfaite façon. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants et les morts? Et n'y avons-nous pas placé de hautes montagnes? Et ne vous y a-t-on pas abreuvé d'eau douce? Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Allez vers ce châtiment que vous traitiez de mensonge. Allez vers cette ombre de fumée, montant sous forme de trois colonnes, qui n'apporte ni fraîcheur, ni protection contre les flammes, car le feu jette des étincelles grosses comme des châteaux, qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Ce sera un jour où ils ne pourront pas parler et où on ne leur permettra pas de s'excuser. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. Ce sera le jour de la décision où nous vous aurons réunis, vous et ceux des générations passées. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. Certes, les pieux seront sous des ombrages et parmi des sources, et disposeront des fruits de leur choix. Mangez et buvez en toute quiétude, en récompense de vos œuvres. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Mangez et jouissez pour quelque temps sur terre, vous êtes certes des criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. Quand on leur dit « Inclinez-vous en prière », ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui auront crié au mensonge. Après cela, en quelles paroles croiront-ils donc ?